Et c'est reparti. Une demi-heure plus tard. OK. Que vont récolter, versets 1 à 5, les hommes qui ont adoré Dieu? Vous vous souvenez qu'on avait vu le chapitre 13, on divisait le monde en deux parties, ceux qui adoraient la bête et ceux qui ont adoré Dieu. On a dit ensemble, « Dis-moi qui tu adores et je te dirai qui tu es. » Ici, les gens qui ont adoré Dieu, ils nous en parlent ici. Donc, qui sont les 144 000? Verset... Hop, je ne suis pas à la bonne place. Mon ordinateur n'est pas retourné. Apocalypse, c'est retourné dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut voir qui sont ces personnes-là? Premièrement, au verset 1, il dit qu'ils ont quoi? Ils ont des noms décrits sur leur front. Ils ont deux noms décrits. Ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père. Ici, la Bible ne nous traite pas comme du bétail, mais presque. Elle nous dit que les gens sur la terre sont identifiés d'une marque que nous, on ne voit pas, mais que Dieu voit. Il dit, des fois, on se met en importance, on ne prend pas la marque de la bête, il ne faut pas te prendre la marque de la bête. Mais il y a aussi les 144 000, ils ont deux noms décrits sur le front pour les identifier. Le premier, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est le nom de son Père. Comment est-ce qu'ils ont eu ça? Comment est-ce qu'ils ont pris cela? Comment est-ce que c'est venu dans leur vie? Dans le chapitre 7, c'est qui les a identifiés? Il y a des anges qui ont passé, hein? Qui ont marqué les serviteurs de Dieu avec le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, on avait vu que c'était quoi? Le Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, a dit pour l'apôtre Paul. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. On a un sceau. Et ceux qui sont partis des 144 000 sont ceux-là. Ils ont un nom décrit sur leur front. Là, on pourrait dire, mais comment est-ce qu'on peut faire d'être sûr qu'on a cette marque-là? Parce que je ne la vois pas, moi, sur vous autres, là. Puis vous ne voyez pas la mienne. Mais c'est, le plus important, ce n'est pas de voir la vôtre, c'est de voir la mienne. Comment est-ce que savoir si moi, je l'ai, cette marque-là? Chapitre... Il continue en disant... le grand honneur, entendu... C'est au verset 3. Il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, les 144 000, c'est des gens qui ont été rachetés sur la terre. Donc, c'est des gens qui, Jésus a payé pour eux autres. Ils étaient en Oscus, ils ont été des esclaves, parce que le mot rachat, là, c'est un mot d'esclavage. C'est quelqu'un qui était en esclavage qu'on a racheté. On a payé le droit pour les libérer. Donc, il dit, ils ont un nom. Comment est-ce qu'ils ont eu ce nom-là? Parce que, vous savez qu'on fait avec les esclaves, hein? On les marquait. On sortait l'argent, on le payait, on l'amenait à la maison. Parce qu'il faisait partie des choses qui t'appartenaient, du bétail. C'est comme du bétail. Et vous souvenez que s'il voulait rester esclave, on lui perçait une oreille, un juif, ça. Juste les juifs, avec les juifs qu'on faisait ça. Si tu voulais rester esclave, on te perçait l'oreille comme de quoi tu es un esclave à vie. Mais les esclaves qui n'étaient pas des juifs, on les marquait parce qu'on les gardait. Ici, il dit, les 144 000, c'est des gens que Dieu a marqués parce qu'il les a rachetés. Et la Bible est assez claire. Comment est-ce qu'il les a rachetés? Dans le chapitre 5, il nous est dit, « Par le sang de l'agneau. » Il a racheté ces gens-là par le sang de l'agneau. Il a payé le rachat des êtres humains par le sang de son fils, en offrant une victime pour leurs péchés. Donc ici, c'est rien de nouveau. Dans les 144 000, des fois, on fait toute une montagne avec ça. On fait toute une espèce de grand plat, mais c'est des gens qui ont juste sont été tempés. Et ils ont été tempés le jour de leur. Ils ont été ratés le jour de leur conversion. Le jour qu'ils ont été, le texte dit, le jour qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Jean dit, c'est qui cette grande foule-là? C'est qui tous ces gars-là qui sont en robe blanche? Ben, fille aussi, le gars et fille. Je ne sais pas si on fait cette différence-là dans le ciel. J'ai bien hâte de voir ça. Il dit, ce sont ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et à cause de ça, ils ont été marqués, ces 144 000-là. Et ensuite, il nous dit quelque chose au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Excusez-nous, nous, mes sœurs. Car ils sont vierges. Les 144 000, ils sont vierges. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Ceux qui croient que les 144 000 sont des juifs, des hommes juifs, ça veut dire que ces hommes-là sont des célibataires. Ils n'ont jamais connu de femme. C'est comme ça qu'ils l'interprètent en grande partie. Ils sont vierges. Mais la question que je poserais, moi, qu'est-ce que ça a à faire si on a connu une femme, pourquoi est-ce que je serais souillé à cause de ça? Vous êtes d'accord avec ça, les sœurs, là? Ça souille-tu avec une femme, coucher avec une femme ou avoir des relations avec une femme? Je ne pense pas. De quoi ça parle ici, le texte? Quel est l'exemple qui veut parler? Regardez avec moi un texte dans 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De qui il parle, là? Il parle de l'Église. Il dit, je veux te présenter à Christ comme une vierge pure, parce que après que Jésus va être venu, ça va être les noces de l'agneau. Donc, il va y avoir une grande noce. Donc, la femme de Christ, c'est l'Église, c'est l'épouse, c'est nous autres, l'Église. Et l'Église, ben, c'est supposé être une vierge pure. Donc, il dit, ceux qui sont les 144 000, ils sont vierges dans le sens qu'ils ne se sont pas souillés avec d'autres hommes. Et ça, dans le texte, c'est d'autres idoles, d'autres dieux. Ils sont restés attachés à Jésus-Christ. Ils attendent, tu sais la parabole des 10 vierges? C'est ça parle. Les 10 vierges qui rentrent avec Jésus pour la noce, c'est ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne rentrent pas, ce n'est pas des mauvais chrétiens. C'est juste pas des chrétiens du tout. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Il dit que les vierges ici, c'est les 144 000, c'est des hommes, et je dirais moi aussi des femmes, qui ne se sont pas souillés avec d'autres femmes. Et vous marquerez dans le texte ici, il y a une femme qui va être présentée tout à l'heure d'un plus loin. On l'appelle la grande Babylone ou la grande prostituée. C'est une femme. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et elle est la mère de toutes les religions, la Bible va nous dire. Elle est la mère de toutes les faussetés, toute l'erreur, tout le mensonge. Et ceux qui vont avoir été avec la prostituée, ils sont plus vierges. Ils ont trahi leur époux qui est Jésus-Christ. Donc, ils ne sont plus vierges. Ils sont devenus des adultères. La Bible dit, ne soyez pas des adultères. Là, on parle ici de spirituel. On ne parle pas physique. Parce que les adultères physiques, ils peuvent être pardonnés. Mais les adultères spirituels ne seront jamais pardonnés. Si je me détourne de Jésus-Christ et que je m'en vais vers un autre Dieu, vers un autre sauveur, vers une autre façon d'être sauvé, je ne suis plus vierge, je suis condamné. J'ai fait ce qu'on a commis, un adultère spirituel ou de la débauche spirituelle. Et le texte, c'est ça qui parle ici, je crois. Il ne nous parle pas de débauche physique. Au verset 4b, qu'est-ce qu'il nous dit aussi pour les reconnaître? D'abord, ils sont quoi? Ils sont marqués d'un sceau de Dieu, de Jésus. Ils sont, on a vu le deuxième, voyons, François, il y en a d'autres avant. Ils sont rachetés par le sang de Jésus et ils sont vierges. Donc, ce n'est pas des gens qui ont fait profession en Jésus. Souvenez-vous, les sept églises, hein? Il y a une gang qui a fait profession. Puis Jésus revient et il dit quoi? Je te fais un reproche. Tu as parmi toi des Nicolaïtes. Tu as parmi toi des gens qui adorent le Satan. Donc, il avait renié Jésus-Christ, puis s'était retourné vers quelque chose d'autre. Et Jésus dit, attention, si vous n'êtes plus vierge, ça ne marchera pas. Et au verset dans 4b, il dit, ils sont des disciples de Jésus. Les 144 000, qu'est-ce qu'il dit dans 4b? Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui suivent Jésus. Ils suivent Jésus. C'est des disciples de Jésus. Ils sont des prémices de Dieu. Mais ils suivent Jésus. Les 144 000, ce n'est pas d'autre chose que des disciples de Jésus. Ils suivent l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait Jésus aux gens quand il disait « Suivez-moi. » Et je vous donnerai la vie éternelle. Vous voyez le jeune homme riche? Il dit, suis-moi, et tu auras la vie éternelle. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas un paquet de règlements. Fais pas ça, touche pas ça, mange pas là, va pas ça, garde pas ça, va pas ci, fais pas ça, marche pas, habite pas demain. Ah, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de suivre une personne qu'on appelle Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est de suivre Jésus-Christ. Parce que c'est notre sauveur. Faites attention, si vous avez des enfants à la maison, ne faites pas la même erreur que j'ai faite, de leur prouver que la vie chrétienne, c'était juste un paquet de règles à ne pas faire ou à faire. Et que j'ai manqué mon coup, Toujours en train de leur dire quoi faire, quoi pas faire. Au lieu de leur parler d'une relation avec Jésus-Christ. C'est avec les faire et ne pas faire. C'est vous qu'est-ce qui est arrivé? Deux problèmes. Un, il était pas capable de le faire. Deux, le père non plus était pas capable de le faire. Quand il était petit, il ne me le disait pas. Quand ils sont devenus plus gros que moi, ils me l'ont dit. Tu fais même pas ce que tu dis! Les premières fois, ça fait mal dans le père. Tu fais même pas ce que tu dis. Mais si j'avais passé mon temps à leur dire que Jésus m'aimait et qu'il m'avait pardonné, ça aurait été correct, là! Il n'aurait pas pu dire le contraire. J'aurais dit, votre père, c'est juste un pécheur sauvé par grâce. C'est tout ce qu'il est, votre père. Au lieu de lui faire croire que le père était correct, puis l'autre n'était pas correct. Je me suis planté bien comme fou, comme mon ordinateur. Mais parlons-leur de la grâce de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ pour eux, malgré qu'ils sont des pécheurs et que Dieu veut leur pardonner. S'ils sont convaincus de ça, ils vont être tranquilles. Ils vont vouloir faire comme vous, suivre Jésus-Christ. Restez attachés à Jésus-Christ. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, reste attaché à Jésus-Christ. Peu importe les péchés que tu vas commettre, reste attaché à Jésus-Christ, il va te pardonner. C'est ça qui est le plus important. Les 144 000, c'est des suiveux de Jésus. Comment est-ce qu'on dit ça en français, des suiveux de Jésus? J'ai un nom pour ça. Vous avez bien raison, là. Mais il y a un nom qu'on donne à ça. On les appelle des chrétiens. Chrétiens. Le mot, c'est un mot qui vient du latin qui dit Christianus, qui veut dire des suiveux de Jésus. Le mot chrétien, c'est ça que ça veut dire en latin. Des suiveux de Jésus. Des gens qui suivent Jésus partout ce qu'ils voient, comme des moutons. Suivent Jésus. C'est donc une belle exemple. Des 144 000 ici. Qu'est-ce qu'ils disent à part de ça, des 144 000? Au verset 4, ils disent que c'est des prémices pour Dieu. C'est des prémices pour Dieu. Qu'est-ce que le mot prémice veut dire? Premier, mais en plus, c'était la première offrande qu'on donnait, le meilleur qu'on donnait. C'était un sacrifice de louange, de reconnaissance et d'adoration. Et ces gens-là, ces 144 000-là, c'est ce qu'on offre à Dieu. Nous sommes une offrande à Dieu, une offrande de louange. C'est mieux ce que l'apôtre Paul a dit une fois, il dit, vous êtes ma couronne. Vous êtes, ailleurs dans l'Apocalypse, on va voir que nous sommes la couronne de Christ, nous sommes des joyaux offerts à Dieu, comme sacrifice d'adoration et de louange. Dieu nous a offert Jésus-Christ comme notre sauveur, mais nous autres, nous sommes le sacrifice que Dieu offre à Dieu pour l'adorer. Hein? Pas merveilleux, ça? J'ai déjà prêché une fois, « Je suis un cadeau ». Ma femme a dit, « Pas sûr ». Je me souviens quand j'avais prêché ça. Quand elle entend ça, le dimanche matin, je prêche, « Je suis un cadeau ». Ma femme a dit, « J'étais pas sûr au début ». Et quand tu as fini le sermon, j'étais correct. « Je suis un cadeau de Jésus à Dieu. Dieu m'offre à son Père en adoration. » On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes un cadeau de Jésus à son Père. Comme prémisse. Comme prémisse. Et ça, ce n'est pas juste les bons chrétiens. C'est qui? Tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont un cadeau, un sacrifice, une offrande à Dieu. Isaïe 44 000, c'est ça. Et au verset 5, il dit, « Ils sont irréprochables. » Quel mot se cache dans « irréprochable » C'est le mot « reproche ». Hein? On peut faire des reproches, ils sont reprochables. Donc, il dit, « On ne peut pas leur faire de reproche. » Et si on avait le temps de lire toute l'Apocalypse, ceux à qui on ne peut pas faire de reproche, c'est ceux à qui Dieu a pardonné leur péché. Les 144 000 sont irréprochables. Parce que, et le mot dans le grec, c'est ceux qui sont attachés à la vérité. Ceux qui sont reprochables, c'est ceux qu'on appelle dans l'Apocalypse des menteurs. J'avais déjà pris ce verset-là avec les inconvertis. Il peut dire, ceux qui, les adultères, les ananas, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Souvent, on appuie ça comme verset pour témoignage envers les inconvertis, puis on dit, même un petit mensonge va être puni dans l'enfer. Mais le texte n'est pas fait pour ça, hein? Faites pas ça, utilisez pas ça pour ça, ça n'a pas été écrit pour ça. Les menteurs, dans ce passage-là, c'est ceux qui sont contre la vérité. Ils sont contre la vérité, ils ne sont jamais sauvés. Les menteurs. Ici, on ne parle pas de menteurs, ceux qui comptent un mensonge à leur mère ou à leur femme ou à leur mari. On parle de ceux qui sont contre la vérité, qui sont des menteurs. Et qui sont comme le père du mensonge qui est Satan. Le grand menteur, c'est Satan. C'est ça, c'est avec ça qu'il faut s'affilier, là. C'est pas, ben, j'ai compté un mensonge à ma femme, donc je mérite l'enfer. C'est vrai que c'est un péché, mais c'est pas ça qu'on parle ici. Ce qu'on parle ici, les menteurs, c'est ceux qui se sont affiliés au grand menteur. Et qui vont contre la vérité. Et c'est eux autres qui sont reprochables. Si Dieu viendrait et disait, François, depuis que tu es chrétien, je pense que j'ai aucun reproche à te faire. Pas ça, hein? J'en ai fait des péchés. Tu es irréprochable parce que tu es attaché à la vérité, à Jésus-Christ. Tu es attaché à la vérité. Tu n'es pas un menteur. Tu fais partie de la vérité. Donc, les 144 000, ce n'est pas des gens spéciaux, c'est des gens qui vont récolter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? On va finir avec ça, ce ne sera pas long. Au verset 1, ils disent qu'ils vont récolter la présence de Dieu et de l'agneau dans le ciel. Parce que Jean les voit où, les 144 000? Dans le ciel! Ça veut dire qu'ils vont être là, les 144 000. Ces gens-là qui ont une marque dans le front, qui ont été rachetés par Dieu, par le sang de Jésus-Christ, qui sont les prémices de Dieu, qui sont irréprochables, qui sont vierges, ils vont être dans le ciel avec Dieu et avec l'agneau. C'est ce qu'ils vont récolter. Qu'est-ce qu'ils vont récolter aussi au verset 2 et 3? Il dit qu'ils vont apprendre un cantique nouveau. Oh, j'ai hâte. Je ne vais pas chanter, mais dans le ciel, je vais savoir chanter. Une fois, ma femme a dit, François, elle dit, tu fonces dans ce cantique-là. Oh, j'espère que tu ne m'écoutes pas avec les oreilles de Jésus. Il dit, tu m'écoutes avec les oreilles de Jésus. Je ne fausse pas pantoute. Change d'oreille. Écoute-moi avec les oreilles de Dieu. Parce que tout à l'heure, les 144 000 vont avoir le privilège d'apprendre un chant nouveau que juste eux autres qui vont apprendre, juste eux autres qui vont le connaître et qui vont le chanter à Dieu. Imagine, ça va être un cantique vraiment spécial. Mais ça ne sera pas surpris dedans qu'on trouve des paroles comme « Tu nous as sauvés, tu étais notre sauveur, tu nous as rachetés, tu nous as lavés. » Ça ne surprendra pas qu'on trouve des petits mots comme ça dedans. Et dernièrement, ben, ils vont suivre l'agneau partout où il va. C'est ça qu'ils faisaient pendant qu'il était sur la terre? Et c'est ce qu'ils vont faire pendant l'éternité. Ils vont suivre l'agneau. Puis ils vont adorer Dieu. La semaine prochaine, on va faire le 6, verset 6 au verset 13. Et on va voir l'autre gang après. Ceux qui n'ont pas la marque dans le front de Dieu. Ceux qui n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus. Ceux qui ne sont pas vierges, mais qui sont adultères. ceux qui ne sont pas imprimistes pour Dieu, ceux qui ne sont pas irréprochables, qu'est-ce qui va leur arriver à eux autres? Cette semaine, encore une fois, quand je parlais, pas la semaine passée, quand je parlais avec les personnes par rapport à la fin des temps, ils ne croyaient pas à l'enfer. Pour eux autres, Dieu ne pouvait pas envoyer en enfer des gens. La semaine prochaine, on va voir ce qui va arriver. On va laisser Dieu parler. Et je crois que quand on découvre ce qui va leur arriver, ça nous donne une espèce de stimulation pour leur partager la foi. J'ai appris une bonne nouvelle cette semaine. Pendant que j'étais à pastoral, j'ai rencontré un pasteur de l'église de Rosemont. Son nom est René Fré. Et il dit, François, il dit, tu connais-tu Valérie? Bien, j'en ai connu quelques Valérie à travers mon ministère. Il dit, Valérie Gingras. Ah, je dis, oui, je la connais bien. Il dit, elle est sauvée maintenant. Elle va se faire baptiser au mois de septembre. J'ai connu Valérie pendant qu'elle était à la Sarre. J'avais conduit son père au Seigneur. Et elle n'était pas tout à fait ouverte dans le temps. Elle n'aimait pas ça que je parle avec son père. Mais on a parlé ensemble bien des fois sur la balançoire en arrière de la maison, avec son père, puis elle, sa sœur. Il a été sauvé maintenant. Des années après que moi j'ai fini mon travail, il y a quelqu'un d'autre qui a continué le travail. Et là, j'apprends la bonne nouvelle qu'elle est sauvée. Et elle va être baptisée. Et le pasteur m'a demandé si je voulais aller prêcher à son baptême. J'ai dit certainement que ça me ferait plaisir. Ça va être un dimanche soir. Que, je vais être là le matin, l'après-midi. Mais vous voyez, des fois, ça vaut la peine de voir juste une personne de même qui, pendant un temps, ne veut pas, mais tout d'un coup, par la grâce de Dieu, vient à la lumière et décide de suivre le Seigneur des eaux du baptême, de montrer sa foi. Et quand son père, et qui était de bonne humeur, là, son autre fille est en train d'accepter le Seigneur, son gendre est en train d'accepter le Seigneur, et son garçon est en train d'accepter le Seigneur. Si toute la famille viendra au Seigneur, sa femme, oh, est encore fermée. Mais on espère qu'à travers tous ces témoignages-là, qu'elle pourra venir au Seigneur aussi, il va toute sa famille se convertir. Ce serait merveilleux pour eux autres, dans cet homme-là. C'est le même homme que je vous ai dit que j'avais été voir après Noël, qui est en train de mourir d'une certaine espèce de cancer, de la prostate, je pense. Hein? Assez pour être à Laval pour aller visiter sa fille. Il semble qu'il fonctionne encore. Toutes les maladies sont là, mais ça ne semble pas progresser plus vite que ça. Ça fait des tests comme toi, là, par en dessous, par en haut, par en bas. Ça fait toutes sortes de tests pour avoir des scanners, toutes sortes d'affaires. Et il y a un cancer, mais ils ne savent pas vraiment comment traiter ça encore. Peut-être que le Seigneur, il me dit, j'espère que je vais avoir la grâce de voir ma fille se faire baptiser en septembre pour le Seigneur. Mais j'ai dit, si ça ne va pas là, tu la verras bien l'autre bord. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci d'avoir fait de nous des gens qui ont une marque dans le front, le nom de l'agneau. Merci d'avoir fait de nous des gens qui vont un jour apprendre un cantique nouveau et te chanter des louanges comme tu le mérites. On le fait présentement, mais on aimerait le faire encore mieux. Et j'imagine, Seigneur, mais qu'on soit là, des millions d'êtres, hommes, femmes, jeune homme, je ne sais pas comment c'est l'âge qu'on va avoir, mais on va chanter de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Seigneur, nous allons retourner chacun chez nous, dans notre monde, dans un monde qui va nous entourer, de monde d'hommes et de femmes et de jeunes qui ne connaissent pas la vérité. Seigneur, donne-nous de laisser resplendir ce que tu as mis en nous, la vérité, la vie que tu as mis en nous. Donne-nous de répondre aux gens avec douceur, avec respect. Donne-nous la grâce de parler de ton Fils Jésus, non pas de règles de baptiste ou d'église, mais de parler de Jésus, de son amour, de son pardon envers les pécheurs. Seigneur, nous demandons de faire la grâce à d'autres personnes, comme tu nous as fait grâce. Sauve des gens, Seigneur, afin qu'ils se joignent aux autres et qu'eux autres aussi, un jour, te glorifient par un chant nouveau. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va arrêter là parce que tout le restant n'est pas là. Fait qu'on va arrêter là pour ce matin.